Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir, mes amis. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonne nuit, mes amis. Merci pour Nako Zalawana. Je ne sais pas si notre image, ça va ou bien il faut. OK. Voilà, merci. Merci pour Nako Zalawana. Merci pour Nako Landabiso. Merci na bandeko nyonso ya diaspora congolaise. Merci na bandeko nyonso bazale na mboka na biso, la diaspora africaine, la diaspora européenne, américaine, asiatique et océanienne. Merci pour na confiance bozo pesa na biso. Et Tozalina Essengo, dans le sens que tout ce que nous disons chaque jour, c'est ce qui se réalise. Oyo tolobaka, yangonde mutu esalemaka. Bon, bandeko msusu bazo benga biso ba prophète. Na ébité, ce qui vraiment un jour, toroy ko sale sa église, mais versa Bible, peut to ébité, église en auto sale sa ndegenini. Bon, peut-être une église politique, hein? En réalité, où ils allient, église politique. Lelo, toko solo la mamouke. Mikolo, tozo me la mingite, parce que, comme vous le savez, fin y a semestre, ils allaient crazy. Fin y a semestre, ils allaient toujours fou, dans le sens qu'il y a beaucoup de papiers par-ci, par-là. Et pour n'angaï vraiment qu'on me défoule mouké, n'a pas stress, il y a pas papier, oyo, c'est de venir parler avec mes frères et sœurs congolais. Pour n'a makambambo kanabiso, soit au kati, tozongi n'a makambu ya, n'a makambu ya, y a pas papier. Alors, lelo, tokolobe la. État des droits, démocratie, les peuples d'abord, comme d'habitude. Et Mutu Oyo ayena slogan, il y a État des droits, peuple d'abord, ne loulou makasi. Ezali Mutu Oyo, akoyiko respecter ba slogan a été. Alors, je me rappelle encore la radio Okapi, journaliste Christian Losakweno lui a demandé ceci. Soki okomi président de la République, Wanezalaki dans na une semaine hein, avant Kabila puisse aller pouvoir. Soki okomi président de la République. Et l'okonini okosala liboso. Question en akoute s'il a quitté. Yé a bandi déjà réponse. Alobaki, soki na komi président de la République, bakacho nyonso oyo ya ner. Oyo bazali ko kanga batu na biso patati machin. Les mêmes jours même, Nazo Kanga Yango. Namoni déjà mille voir moka bandija ko sauter. Waouh, waouh, waouh. Ayebite, est-ce que Moutou Azoya Nandaku azoya po na kopesa eloko malamu, peut-être azoya kotika nourriture na ye moko milou. Mais milou tellement za milou, na bandi na ute, na bandi na ute, milouvor de garde o bazala liboso penza. Et bon, ebi ke ba milou o ba ganga mingi tu ba milou o ya mike. Vous allez remarquer ba milou o ya mike bazala ma kele le ba ganga ka trop. Ba milou a minene penza ba ganga te, bango ba zela ka penza, donc azo zela action. Mais ba o ya mike, même ozo kota na lupangu na bango te, ye deja bandi deja. Et er azo ganga misu na sima, et pa ya patron na ye, pa mukolo na ye, azo ta ya na sima. Na bandina unte, voilà, milouvor moko, asi a sauté déjà, waouh, waouh, azo ganga. C'est malheureux, hein? Na ye, nazo ya koti kabilo ko po na bino. Hein? Eza po na bino. Patron na bino, guru na bino, azo nyoko na bino na denga wosakanate. Donc voilà, il a dit, Bakashonio Suyaner, a wokangango le même jour. Le même jour. Ngamuna lobi yangote yemuta lobi. Alors milouvor soko landa ki yangote kende gotuna, a woyebi sa yoke wina loba ki me yo ebi kadio chate. Mais le loto zana deuxième année yangoyo, kasho mokote yaner kangami. Voire même bakisami yisusu. Il y a un gars là, na zana kombo na yete. Il semblerait que Aleka qui est dans une chaîne de télévision à Kinshasa, il a prédit la mort de Félix. Alobi, batu ya de pes, ba milouvor, makasi na bango ko tambola, banda lumete 10e ri tina tina stade. Alors, ce qui va sali moi est fort, va pousser na kamouke, na poma tete, ou bien na tchangu. Alors, ce monsieur Barnabé, je pense, on l'appelle Barnabé. Il semblerait qu'il y a zala ki moutou ya RCD. Et batou bazo bengaye, balobi aza rwandais. Bon, na ebite entre parenthèses, tango mususu bande kona biso peto exagera ka mingi, ce n'est pas tout le monde oyaza moto a est aza rwandais. Et si kawana vraiment na lobele kango mingi, ce n'est pas tout le monde. Parce que lelo so tozo wela minembwe, minembwe eza wapi, minembwe eza na est, so ki tozo lobela beni, beni eza wapi, beni eza na est. Alors, mais mingi mingi habitude oyo ezali na bandeko na biso oyo to uta na west. Bandeko to uta na west, bandeko Kinshasa, mutu nyoso ya est na biso. Même azali pour le peuple te, même azali contre notre résistance. Ne les taxez pas de Rwandais. Ne les taxez pas de Rwandais, sinon Rwandilisation, il y a un terme na biso et qu'on a un sens. Quand on dit Rwandais, on dit Rwandais. Ngai par exemple, ceux qui na lobi Rubero est Rwandais, oui c'est vrai, Rubero est Rwandais. Ceux qui na lobi Bizimakara est Rwandais, Azali Rwandais. Mais ceux qui na lobi par exemple, il y a mon frère le résistant qui est en Europe, mon frère Boniface Moussafili. Boniface Moussafili est de l'Est. Alors, les lobes Boniface Moussafili sont à l'obé, l'okomoko, yozo partagé en côté. Vous allez les taxer des Rwandais parce qu'ils sont à l'Est. Mais non. Alors, ces Barnabé, je ne les connais pas, mais en tout cas, juste on a profité pour na loba que ce n'est pas tout le monde ou à Outina Est ou taxé Rwandais. Rwandais azali Rwandais, ndekonabiso à Est azali ndekonabiso ya Est. Et je ne sais pas si Barnabé sera azali moutou ya Est ou bien azali Rwandais. Alors, parce que na RCD wana, batinios pas azali ki ba Rwandais te, RCD même si azali ki mouvement Rwandais, mais bazali dingoma, bazali ki ba Rwandais, azali ki Rwandais te, bazali dingoma azali ki moutou à Ouest. Alors, c'est Barnabé à prédire l'Iwa, y a Félix. Alors, bi batoyi de pes baza bambo a kopal. Batoyi de pes baganga basala ke lokote. Batambula aka kabanda 10e riti na stade, c'est fini. Mais bango ya lobi bango batambula banda. Banda est batambula makoloti na Kinshasa. Alors, bon. Aye koloba na politique ezali wengete oyo balongwaka olali olamoki non na longwe. Il a cité notre petit frère là, le Milovore, oyo alakisaka ba sexe, le musicien là, on appelle comment? Si c'est Watanambwa, je pense, oui, Watanambwa. Voilà, il a cité son exemple que non na longwe na ngai na wenge na longwe. En politique, balongwaka bongote. En politique, soko signé ba accord, faites attention. Parce que les accords, nous sommes signés, les accords, il y a Makila. Accords, il y a sang, Makila. Alors, secret, il y a Kolongana, accords, il y a Makila, Ezali, peuple. Secret, il y a Kolongana, accords, il y a Makila, Ezali, peuple. Alors, Félix a sali, accords, il y a Makila. Mais Alinga Longwana Bakor Yamakila, Ye Moko sans peuple. Entre guillemets, Bazolo Bake Alingi Kolongwa. Mais Ye Moko Alobia Kolongwa to. Mais Bambwa na ye, Bamilouvor, Bazo sauter comme Bamouton, Bazo sauter. Que non, le national Alingi Kolongwa na Bakor. Mais il faut que vous ba, votre national. Bakor qu'il a signé, ezali Bakor ya Makila. Bakor ya Makila balongwa bongoti. Balo Bakor ya Makila so li kolongwa okolongwa na peuple. Mais ye peuple entre guillemets, excusez-moi, na tche vidéo o eza ya banate, ye na peuple, ye asumbi na nganda, asumba na nganda. Nganda ya peuple, il a fait caca. Akwe kolongwa ba kor wana te san peple. E peple a trahir peple. Peple o bazo krupir nan zala. Peple o bazo krupir nan ba maladi. Peple o bazo krupir nan makambo nyonso ya mabe. Ye moko na bandeko na ye. 2 milyon 70 000 dolar par mois salaire. Ndeko na ye Kabila. 680 000 dolar par mois. Ndako afute laka 20 000 dollars par mois. Afute laka ndako te ndako à l'État batonge la ye. Mais lui récupère l'argent. Alors, peuple nini, parce que lelo peuple va cause la derrière Félix, ce que peuple va remarquer que non, non, non, non, non, non. Ndeko oyo mwana mboka béton, azali na ngambu na biso. Tala bachela ki salaire 2 millions 70 000 dollars, tellement ye azali moutou ya peuple, alobia kozwa mbongo na tele ki ebele, a Rolanda ba président mususu mais ale kape ba président na ta mwa moke po Congo eza eloko ya makasi au lieu de 2 millions 70 000 dollars a récupéré kaka 70 000 dollars alors les restes 2 millions a zongisa na peuple peuple soki ba moni ke mutu oyo na bureau na ye soka yo ikaka likambo muyibi ba yibi ba buki ba tona no sazo kanga bango azo botola mbongo ya peuple. Peuple, ceux qui ba monique mutu oyo mwana mboka minembwe na biso balingi ba komisa yango pays na bango mwana mboka kotele manasima ya peuple akoloba non minembwe ezali mabele ya bakoko na ngai minembwe okende jamais mbala moko décret mbala moko ordonnance. Peuple, ceux qui ba monique ndeko oyo mwana mboka a komi na pouvoir, azali na ngambo a peple, ba millions de morts ya ba Congolais, ako telema, ako loba na haute voix, ba nani ba bomi ba ndeko na biso oyo. Parce que moutou nyonso na mokili ayebi ba nani ba zo boma ba Congolais. Sauf Félix o bozo benga peple, moutou ya peple. Azo kote la banguna, ba Rwandais te batou ba bomi ba Congolais. ba Ougandais tient battu ba Bomi ba Congolais, ba Burundais tient battu ba Bomi ba Congolais, sans nous dire alors nani azoboma ba Congolais. Alors, mutu ya boye, na ba kor na ya kenda yuko sala ya makila, peuple a kote la ye ndenge nini. Peuple a kote la ye na elembo nini, ke non talandeko oyo, aye yo koma na pouvoir, talandenga zo we la peuple, talandenga zo teleme la banguna, talandenga zo teleme la batuba zo sala mabe, talandenga zo teleme la corruption, talandenga zo kata bambongo, salaire le ki ebele, ba conseiller $17,000, ba conseiller spécial $24,000. Non, ndeko o alobi le ki ebele, to diminuer ba conseiller, to pesa bango mbongo muke, bon, to lo bata $5,000 ya pamba. Au Congo $5,000 au revivre le kola patron. Voilà. Et si ka peuple bako mona ke, ndeko oyo azali na sima ya peuple. Bache salaire ba conseiller $17,000, akati yango na $5,000. Ba conseiller principal bache salaire na $24,000, ye akati yango ache $7,000. Ye moko bache liye salaire $2,070,000, akati yango atikali na $70,000. Batu ba Rwandais bazoboma a identifié bango. Azo tcha bango pression, babima. Kabila zo yiba. Azo senga na justice, ba lande la batu nyon so basali ba krim na mboka na biso. Biloko wana peple so ki a moni yango. Ezala akenda yiko sinye ba deal ya makila. Peple akolo ba oui. Akenda yiko sinye ba deal ya makila. Po na ko we la ngayi. Tika na telema, elongo na ye, na defendre ye. Il ne faut pas qu'ozala ata ozali idiot, c'est facile de comprendre. C'est facile de comprendre. Congolais azana besoin te ko wela mutu moko kombo na ye mwana Tshisekedi. Mais non, ba wela ka mutu oyo amoni ke azo protéger mboka na biso. Azo batela mboka na biso à l'interne comme à l'externe. Est-ce que famille Tshisekedi ezali œuvre d'art? Ba batela yango na musée, il faut ko batela yango. Ata ezosala nango eloko te ekeko evandi, ba batela yango kaka parce que ezali ekeko. Non. Humain azali mutu oyo azosala musala, yo bazo protéger yo, yo bazo protéger baninga. Et na moment oyo c'est lui qui doit protéger les Congolais. Le Congo, ezali Félix, to loba, to zonga, to kene liboso, ezali ye mouta koi ko protéger biso. Et peuple ko mona ke oui, ndeko oyo, approche na ye ezali ako protéger biso, tika pe biso to protéger ye, ata kene ko sinye bakor ya diable, to ko tchaye maboko, diable ona to ko binisa ye. Mais yo peuple, o yini peuple, salaire ya malunga ya peuple ezati. Ba soda salaire ezate, ba enseignant salaire malunga ezate, ba na ba classe ezate, opito ezate, ba nzela ezate. Donc, social eza malamu te, mais yo moko social mwi, etelement, $2,070,000. Famille na yo kuna maison civile, $2,000,000 par année, ba silisa dépassement budgétaire. Un type qui est venu avec le dépassement budgétaire, Les lots sont qui dépassement budgétaire dans la présidence, c'est la maison civile, dépassement budgétaire. Ce qui est dans le voyage, dépassement budgétaire, c'est dépassement budgétaire dans dépassement budgétaire. Donc, il y a Angola à Talaté. Planning, exacté. Oezoya, à Silici. Madia kaka. Madia, ale, mama, natondite, bakisa, babakisi pondu. Mama, ucheka pondu apamba, bongo mtu ya milu, ngana linga kote ya minu, bachelie kote ya minu ya milu. Mama, nasisite, bongo mankenena, bachelie mankenena. Mama, bongo jikelele, bachelie jikelele. Madia, dépassement budgétaire. Ngamu na lobi ya ngote, bomoni lettre ya ministre, ministre na ye, ministre ya gouvernement na ye ya budget. Alobi, mbongo ya mission esili. Dépassement budgétaire. Mbongo ya ba mission esili. Il faut que zelati le 1er janvier. Budget ya 2021, ce qui est cotiné en action. Alors, pourquoi qu'on utilise budget ya ba mission? Imaginez-vous, yé moko akoko kene na réserve akozwa. Mais botala na kati ya pays que mbongo ya gouvernement pour na ba mission et sili. C'est le ministre qui dit alobi na munoko bo epete akomi signé mbongo ya mission et sili. Botala na pays budget ya mission ce qui est sili. Service ya renseignement. Ba osala musala ndeni, ba okene ba mission ndeni. Gouvernement ba okene ba mission ndeni. Ba okene ba mission ndenge nini. E loko nyo seko ya, mwaya okende zate. A mwen ke Rwanda afutila bango, paske Rwanda utiko futila ba joueur national, ba ekip national plito, mbongo pona vaccin. A mwen ke Rwanda yoka ke non, aner kuna mbongo mission ezate Rwanda kotinda mbongo po aner bakende mission. Ah oui, mais soki Rwanda futi mbongo ya ba joueur na biso équipe nationale ya basketball, soki Rwanda futi mbongo ya ba vax ya nani ya ba test ako futa te mbongo mission msusu pourquoi soki wana futi wala msusu ako futa tendeni gouvernement mokote. Mbongo ya mission ikelewe. Mwana chisekedi asilisi nyoso asilisi. Alors, nabane yiko loba makambu ya droa peple d'abord. Ye mwaka lobi wakashwa anere kwa kangama. Omoma ubazo kanga semeshe Barnabe soki mutu ya FCC. Ye kuna na Gaberon. Ye na Gaberon. En présence ya ba président Moussous à lobby, mboka na ye alingite ba réfugié batuba kenda kako ba réfugié ba kenda boka ngunda ba réfugié politique po na ye bazate. Mais era zolo ba wana na kishasa mukamate Bernardin mukamate nane il semblerait bakangie alinga iko kima so akima ka alinga komana réfugié te. Moi je vous dis toujours, ces petits garçons de Félix, ce qui vous dit, Nalobakango, ce que Félix vous dit, ce n'est pas ce qui se fait. Yango a salakate. Tout ce qu'il dit, yango a salakate. Ya salaka le contraire, nango. Barnabé, bango na bango batu ya ba frère na ye, baza gouvernement moko. Mukamate. Bongo biso. Ah non. Oloba akuna musika. Musala na yoko kritike Felix. Musala na yoko kritike. Yaka na mboka. Awa. Yaka kola kisake. Ozali professeur. Ah. Donc ngapona lex naza professeur. Ifu na yana Congo po bondi makinaza professeur. D'abord esika bandi makaba professeur. Ke mutuwa naza professeur. Et si kaba klasa kaba professeur, Congo azate, azalakate, Congo azala jamais. Alors, po bondi makinaza professeur, ifuna, bondi makinaza professeur, ifuna yana Congo, po bondi makinaza professeur. Mais nga esika naza professeur, soki botali esika ba klasa kaba professeur, esika ba klasa ba université. Ezali. Nga kou de montre mwe panabinote? Alors, bakasho anere kangama, deuxième année yango tozo kende. Mukamate. E na Gaberon kuna, ya lobi aliko land exemple ya mboka wana bazana ba refugie te. Mboka na bazana ba refugie te pourquoi? Parce que ba yebi ko respecter ba engagement na bango. Mboka wana basinyaka ba deal te sans ko respecter yango. Mboka na basinyaka elokote sans accord ya peuple. Mboka wana Botswana bisika nyonso tokendaka na ba conférence internationale na niveau ya ONU ezali parmi le peu de pays qui sont respectés na ONU entre autres Botswana. Botswana diamant na bango ekendaka na poche ya mama président ya Marthe na bango te. Mbongo ya diamant, président ya Botswana, salaire na yeza 2,070,000 te. Botswana, ancien président ya Botswana, azwaka 660,000 dollars te. Président ya Botswana, ba vota ki ye na ferme te. Na Botswana, soki ba sali élection, ba bimisaka ba résultat élection bureau par bureau. Bureau par bureau. Botswana nyon so soit akeyi a monike azad d'accord te akokenda ko verifier na Botswana bazali na musée électoral moto nyon so be étudia ba chercheur soko lingo travailler sur les élections akokende na seni na bango atali moto boye na mboka boye nani a votaki nani ba nani ba votaki nani tel abimaki na combien ezali mais oya biso Mutumoko a yebite. Félix na mboka na ngai ba vota ki e bato combien. Mutumoko a yebite. Alors, il faut oza la bête ko zwa be exemple ya ba mboka oyo, ozo exemple na bango, mais yo moko koki ko zala loko la ba dirijan na bango te. Bozo mwana yisika idiosi ezali. Pona ko zwa exemple ya mutu. Kebake batala yo moko, eske ngai exemple na zozwa ya mutu oyo. Na ko yiko sala ngo, lokola batu musuba zwa ka exemple, ya un autre milouvor la ki est à Londres, babenga ka soki de Gaulle. De Gaulle Congolais. Un de Gaulle Congolais a yebite, de Gaulle azali nani. Un de Gaulle Congolais, ki nou demande nou, ye avandi na Londres, mais qui nous demande yozolo bela Félix yozolo bela Mukuna kende na Congo kende ko lobela na Congo mais yemo ko batami na Londres et il s'appelle De Gaulle mais pour nous avoir des exemples ya mutu il faut ko landa mutu na za lakini na za lakini De Gaulle atinda ki batu De Gaulle français atinda ki ba français te o ba za lakini exil ya atikali na Londres bozonga na France. Il y a bande ko recevoir batu oyo bazaki na mboka na yazo bengisa bango boya. A partir de Londres basali baction na bango. Yo batami na Londres lobi non yo zo muku na pona nini muku na za mwana na ngai spirituel ya za spirituel. Tana ni longa muta za spirituel. Felix azamu ta ko zo exemple ya ba dirigeant ya Botswana te. Mais quand même boyebi ki aza inconscient makambalo bakaye bakate azolo banini azu exemple ya Botswana kuna azolo be exemple Botswana moto mokote akokende akobwa kangunda ba réfugié politique na Botswana mais na Congo bazo kangana ner. Oh my goodness. Alors toye komona batu bebele na tche mwa ba photo na Facebook. Batu bazo tuna sa signifie quoi? Na tche photo na ngamoko na lui. Kisekedi, petit Kisekedi. Attention. C'est ironique. Hein? C'est-à-dire que Ezali ne mwa nansemi. L'oncle de Félix. Ne mwa nansemi. Akenda yi consultation. C'est sûr, na consultation akenda ki yepa neve na ye, asengi mutuka. Mena na ye kopesa ye camion, jeep, ezali l'homme le milouvor la o akina ko ko beta nzungu ya ya milou nzungu mama mwanza ya milou sabo kabuya ide pes bazu mbongo wapi bazo kabula bajip bata ide pes batele matele makana na limete na 10e ri basulier et tenga maloko la soulier ongana banola ta en azaki étudiant donc soulier wana il faut za na pomade parce que ma kolondenge tenga ma soko longoli soulier wana il faut ko pakola pomade wana il faut pakola vix c'est kabuya ki a remi ba clé ya jeep oyo basombeli ne mwanda nsemi ba politicien na biso. Et ça nzala. Moi, je, en tout cas, nga na blama bangote. Parce que ko supporter nzala, et ça passe. Il faut qu'on zala moutou pour supporter nzala. Alors, ba politicien na biso ba ko nzala te. Ne mwa nan seme ya mesana na soke glise na soke nini mabonza ezoya ezoya. Alors, banda ba panza business, mabonze kota soute, ne mwa nan seme nzala. Alors voilà, bakie ko pesa Egypte, mais wana ezali corruption. Ezali corruption. Batu ba bimi na ba enveloppe na consultation. Consultation esili et na Gaborone esika azali na Botswana. Presque, je dis bien, ba président baleki na tribune. Ba lobby, ba makamona bango. Et presque tout le monde, quand il s'agit ya Congo, excusez-moi, quand il s'agit ya Congo, ba zali ko recommande ye. Président ya Zimbabwe, a lobeli ye, a lobby, on ne gouverne pas par l'arrogance. Soki zalaka biso batolo bakango lelo mbele to sambwe na kofinga. President ya Zimbabwe alobi na ye ba gouvernaka na arrogance te. Bango nyoso bazali koyebisa ye ezala ba emissaire oyo bayaki na Kinshasa, emissaire ya Kenya, emissaire ya Egypte. Bango nyoso bayebisi ye il faut ko respecter deal. Qu'est-ce que Kabila dit na ba emissaire wana nyoso? Kabila yebisi bango, ake na bango na ba historique. Ko banda papa na ye Etienne Tshisekedi. Na ye moko. Ezali famille oyo ba respecta ka ba engagement te. Alobi soki na kosi. Ye mutu bozo ya kokotela akenda na Genève. Na baninga na ye ya opposition a signé andimi a yepe na media a lobby biso nyoso sima ya Fayulu a lobby yango ye moko abaluki na chambre mwandambo supu ya mbwa Denise atikela ki ye abengi muninga na ye Vitalo. Vitalo Telma aussi l'a étudié na Kasai, a mesana pe ko lia mbwa kuna. A bengi Vital yaka na chambre, to lia ko lia milou. Bake ko lia milou na chambre et troublé bango bongo. Sans ko yeba, ba ye ko nié signature na bango ya Genève, ba longwe na Genève. Bango mi balé bakangi bisaka sinote bako beta bango parce que bemba zalaki wana. Mwana mbaka ko beta bango makofi. Ba kimi, ba jui avion. Bake Kenya. Bako mana Kenya, bake akesa la deal mususu na muninga na ye, Vitalo. Basali deal, azubi loko nyo swa pesi kamere. Soki na komi president, yoko koma boy, yoko zwa boy, nako pesa boy, nako tonga boy, nako sala boy. Bako mana Kinshasa, atiki Vitalo. Akei epanangai, se kabila kile di. Aye epanangai. Asali deal nangai. Abwa kisi deal ya Kenya. Abwa kisi deal il y a Genève. Talasiko yo sa deal nangai. Azobo ka sou deal nangai. Mouta ko pe sa confiance ye. Ce qui a respecté ka ba deal, ça va. Donc azali ki zengi ye kote akendaka. Bako saka ye kaka, ye bako saka ye, ye bako saka ye. Akendawa, andimi, orosalango, ondimi, signé, o signé. O baluka boye, batu mwa mike mike oyo baliaka mbwate. Soki ba signale ke, me yo koto kenda ki kuna makambo sali, eza bongote, ayeko lamuka, awangani yango, aboyi yango, ake koto yu babmemiye, a signé, ondimi, Après, elle va signaler que ça qui m'a bé à Wangani, à qui mais au juste Azali Mutu Ndengeni. Azali Mutu Ndengeni. Ah, bah yo comprendre, oui, tu comprendre. Parce que Batwe Belé, Bazali ko jige Félix sur base ya papa na ye. Bafrique Belé. Moi, je rencontre beaucoup de personnes, surtout africains. Oyoka lelo bozana président Tshisekedi. Ngabi Tshisekedi bozolo bawana Tshisekedi ya papa te. Tshisekedi ya papa aza déjà na lifelo. Oyo ezali mwana na ye. Ah, c'est vrai, mais mwana pe aza lokola papa. Non, mwana za kizengi. Mwana za kizengi. Mwana même yo. Okoyo ke na Congo bengi ye chaka ka mutambu ke uzana anniversaire akoya kolia so era oya kolia sala deal na ye oko remarquer après une semaine ko wanga na deal wana tozo yebisa batu vérité ndenge ezali qui est la personne de Félix alors na Gaberon presque ba président o bazu parole na tribune ba yebisi ye na cadre ya SADC ba yebisi ye ba gouverna ka mboka na arrogance te, il faut qu'on respecte deal. Il faut qu'on respecte ba engagement. Ce que boy ko respecte ba engagement, il faut qu'on zala na peuple. Alors, yo peuple, ozon yo ko la bango. Salaire, o kouta ta président mokote banda monde, ezali monde. E zala ba président o nord-coréen, salaire na yeza 2 millions te. E zala ba Poutine, salaire na yeza 2 millions de dollars te. Donc salaire ya Félix et l'équipe ba dictature nyonso na monde. Na salaire. Alors arrogance oyo ngai en na landi président zimbabwéen. Na bi mais l'arrogance est tribale. Mais pour na ko gouverner avec arrogance. Arrogance ezalaka malamu na ndenge nini? Arrogance ezalaka malamu ozana bongo. Ozana experience. Ozana expertise. Bikipe mulai. Oyebi trebe ke soki na gouverner par arrogance, je vais me défendre. Arrogance nanga wana ezowuta na biki nangai. Arrogance nanga wana ezowuta na experience nangai. Arrogance nanga wana ezowuta na expertise nangai. Arrogance nanga wana ezowuta na peuple o baza sima nangai. Voilà. Ça peut se comprendre. Mais yo arrogance, juste arrogance tribale, biki bikite. Expérience banda obotama 54 ans banda obotama 54 ans banda oyana mokili oyo otikala ko salate o signa ta papier mokote e loko mokote otikala ko salate classe pe classe okima siko arrogance na yo papa ya nini. Arrogance na yo ezo vanda sur quelle base? Sur quelle base akoloba mutu arrogance na ye? Expertise ayebi. Tozala ki na kishasa ba professeur congolais baza ba arrogant. Ba kinzonzi wana so aye na classe kinzonzi kre kinzonzi azo simba krete kinzonzi kre. No. Kinzonzi a telemi a website sista passer na tableau koma makamuya zolo ba yebsi mot par exemple un mot technique on va étudier va comprendre été Kinzonzi envoie l'assista d'aller écrire arrogance intellectuelle ah Kinzonzi système comptable congolais voilà arrogance Badie le pengé na premier gradué na zwa cours à droit na Dielo epenge. Dielo, quand il parle, aux hommes ont arrogance intellectuelle. Bibombe double bombe, droit administratif. Double bombe, soit vendu. D'abord, double bombe, parler beaucoup. Ah, arrogance intellectuelle. Mobutu, arrogance militaire, a yebi très bien que Moutoko sala fio azate. Mobutu, quand il parlait, ba président Nyonso, ya Afrique, wana, ba Paul Kagame, ba malingre, oyo, ba zwa ko mouni la, un Paul Kagame. Quand Mobutu parlait, ba tout le monde, ba Paul Kagame, sui moukila entre les pattes, l'arrogance militaire de Mobutu, parce que Mobutu, quand il parlait, o tche fouet, lobi na tongo zate. L'arrogance. Yo papa arrogance yanini. Kaka mutu ezo vimba na katia kazaka. Kaka kovimba kaka kovimba. Bon. Balobaka ke mbongo ebongisaka mutu. Na ebite mes frères et sœurs. Na yo ka ke mbongo ebongisaka mutu. Mais oyo président salaire 2,070,000 dollars. Wana salaire a pamba. Bo konte ba retro commission te. Bo konte ba babilo ko ba mbongo ba voyage ba 2 millions de dollars par voyage te. Mais oyo président na biso beauté zoyate toujours mongol azo bonga karaté oyo bato amboka na biso balobaka poso anzo to kubuka na ninga osakana te président de la république salaire 2,070,000 dollars alors mbongo bakosa ka mbongo ebongisa mutu te hein? Mais non ebongisa mutu Balembi na présidence ba maquillage ba massage balembi. Ezo bonga kaka to. Alors, yo arrogance na yo anini. Arrogance tribale loko ezate kaka moi consultation ba yebisie. Bon ça va. Aussi si consultation loba. Zwa décision siko total. Zwa décision totale parce que peuple ba okote la yo peuple nini peuple ozo tika na nzala peuple ozo yiba mbongo ye wana peuple okote la yo alors ce qui peuple ngwa kote li yo mais franchement nga na changer nationalité ce qui peuple a kote li yo nga na changer nationalité parce que ce qui ezali peuple moko ya bolole mutazo bo mabino na nzala Babomi bino, alobi, batu babomi bino eza bangote. Azo yibisa bino te nani mutu azo boma bino. Batu bazo yiba, na se, na biro na ye, bazo yiba. Azo lobe lo kote. Salaire na ye moko, 2,070,000 dollars par mois. Famille na ye na mezo civil, 2 millions de dollars par année. Bazo sili sango par mois. Boba kisa mususu, 2 millions, basili si. Esili, boba kisa, 2 millions, baba kisi, esili. Alors, il faut que la peuple ya bolole pour yo kote la motu ya boye. Tout ça na besoin ya mwana mboka, oui, mais mwana mboka na n'importe où te. Kabila na tangwa tche Félix, vous croyez que Kabila tchaki Félix par cadeau? Non, Kabila tchaki Félix c'était un injure. Et zala ki injure na peuple congolais. Bon, lokola babandai ko lobananga na za mayele te, na tanga te, na yaka experience te, na yebie loko te, zela siko na tchela bango vre bolole ya kizengi bamona. Kabila tchaki Félix te po Félix aluka mutu oya ko yiku ede Congo. Non, Kabila zalaki na besoin, atcha mutu aza kizengi ko leka ye, pour que batuba mona ke argument na bino ke oh non Kabila tangate Kabila sale lokote azaki na experience te baya ko mona ke oui botala siko yo vrai bolole penza vrai kizengi ki yungu na zotie la bino ye aluki aluki na tia Martin Martete Martete Martin za la bik mulai Martin mutabandundu mwana fatundu ba oba koma na fatundu te peut-être ba ko les arguments autozoka monsieur Keita Ndiang mawa mingi et pourtant soki botali entre Félix na Martin Fayulu nani azali na makila ba paya monsieur Félix sa mère est angolaise. Félix n'est pas 100% congolais. Félix Azali, 50% congolais, 50% angolais. Mais moi, je vous dis, Martin Fayulu, moi, j'ai été na Fatundu. Tous les mille vols, eux, bakenaki kwit. Ce qui est une zéla, il y a prince, ou l'équipe Massimanimba, ou continue, Fatundu. Mboka ya Fatundu ya Martin Fayulu c'est Fatundu moi na koma na Fatundu alors lelo Martin Fayulu akoma Keita Ndiang alors Félix Azanani Cardozo Félix c'était mais franchement Kabila le savait que ce qui n'a pas si pouvoir na mutu na Congolais ya mayele. Na kogumelati. Tika na luka bolole, tika na luka kizengi, kiyungu, chintuntu na chela bango. Comme ça ba mona ke ko finga o bande o finga ngaba zaki na raison te. Satan a pe ala la gate a révélé Kabila Pona kaka mwana Tshisekedi. Azo salani. Banda kwa hebi sabiso botiki la yetan. Botiki la yetan. Totiki tan. Botiki. Dez ans. Totika tan. Dez ans. Na gaberon balobi. Kende ko solora na mutubo salana edil. Balobi badirijaka na arrogance te. Moi je vous dis arrogance ya bande kona bise zali mabe. Arrogance bande kuna biso ezali mabe. Nga bo frère nanga bande ko sa na compagnie moko. Ah! Mais bo frère nanga na compagnie na zalaki, azaki na grade pe alikolote, azaki mutu ya se. Mais na quartier soki a tie mampeka kanzaka. Ye asalaka kuna, asalaka na koloba compagnie te. Ah, na boyi ba kende ko boma ba nanga ba neve bazali. Eri moko zozo tura na ser nanga. Me, tala. Mubali na yo, eska azalaka PDG kuna, ote azalaka kutu, mutu ase kutu. E boku ba fieri boye na kartye kutu onire ye PDG national ya kompani wana. Avant koma na kompani wana, il était maître de l'école primaire. Ce qui est vrai, bon frère wana azamayele ça c'est vrai ça il faut l'accepter azamayele mais maître école primaire ce que botali qui vantar na na ba maître mususu parce que il était maître chez moi na mboka na ngai et sika akutana na ser na nga mais ba yeko ya bazulu kaka ko diata diata biso ko diata batu ko diata na ebisa bino histoire oyo. Un jour, il a engrossé ma sœur, Akimi, et pas grand frère Naye. Grand frère Naye Azala ki musika na pai kongila. Akimi et pas grand frère Naye. Batu ba yebi si yo Kimi, mwana ya mutu yo sente yo yebi. O yebi mwana mutu o yo sente. Ba yebi siye, mi kende la ka yomoko. To vanda bo eto moni. Ba ya na jeep ya hôpital. Po grand frère na ya bandai ko sa, zake administrateur. Ba ya na jeep ya hôpital. Kokita bakiti na jeep, era na bakanzaka ezalaka te, c'était à l'époque de Mobutu. Ba bakos. Ba lata ba bakos bango nyonso. Tozoluka ndaku ya infirmier tona. Na musika deja ba ebisi papa la biso. Batu moko bazolo ba lokola ba luba. Ba yekuna na jeep bazoluka yo. Avandisa bango na sei. I kwaye ke bago ya ukuta mutu moko neti. Bamona. Bagona ere bakomba yebisi yeke mutu wana babenga kaya mundele. Belge. Baya balinko sala ki arrogance boye. Papa nabiso avandisa bango. Bakanzaka ye pola. Abengani bango. Ba notable ya centre, ba ye, ba infirmier, ba yeye, non, ma beshe salami, salaka ka baba la mwana, olio bengana bango, o fè soufri mwana, avandi sa bango, toute la journée a receva bango ti. Par la suite, ba conseille l'équipe, bon, ça va. Condition, kome kako divorce yete. Kome kakutu ko divorce yete. Aha. Bon. Ba divorce te jusqu'à présent, ba sali soki 40 ans de mariage, soki 45 ans de mariage, je pense. A divorce yete. Mais comme oyebi makila ya bandeko na biso ndenge zalaka, bandeko na biso baka saye soki abali muta province mususu. Yeba kakake ozana mbanda. Situ, mibali. Mibali ya bandeko na biso bakasaye luba. Soki ya bali muta province mususu. Maser, yeba ke, swat ozana mbanda na Kintsweki, obye bako bali la yo deuxième biro. Ya muluba. Sa se vre. Me, basi, bandeko na biso ya basi ya baluba. Soki ba bali muta province mususu, problem ezate. Ya pa de problem. Me, soki kaka ndeko ya mubali luba, bali muta province mususu. Ya toujours de problem. Ti akosuka kaka kobala ndeko na ye. Revenons donc to anekolo makamba arrogance ya Félix. Arrogance dans le vide. Azana eloko mokote base mokote o akoyiko tchela arrogance na ye. O yongam na lobi te président ya Zimbabwe muta lobi na ye. Ba gouverna kamboka na arrogance te. Arrogance pe il faut ana eloko oyo ozo se baser pona ko sala arrogance ango. Excusez-moi. Voilà donc. To silisi wana. To zo mena sou mingi te mikolo yo. Makambeze bele. Juste 54 minutes. Merci mingi pona Olanda biso, merci mingi pona kokabola ba video na biso. Et de voir ba pesanga ina ba yombi prof yombi vision. Prof a tout moment soko ye o tie photo moko na YouTube, il faut expliquer ka photo na za occasion. Bon, photo o eza na classe. Eza ki penza auditoire penza auto pesa cours d'habitude te. Bana o bozo mona wana bazali ba étudiant ya doctorat na ya master na droit de l'homme na ONG. Ba étudiant wana na programme oyo bozo mona wana ngai mutu na proposa ce programme na université to fungula département ya ONG na droit de l'homme. L'université ezali na département ya ONG, mais département ezali ba cour epesa makanyo so en coréen. Ba paya eza pasipo ya kuna obanda na master ou bien na doctorat eza passe parce que tout se passe na coréen. Alors moi j'ai conçu un programme na proposé ango na gouvernorat pour na financement et na kutana na gouverneur ya province to sololi ya sepeli nango après na keko proposer ango na direction et pas y a Dean, il y a pardon, et pas y a secrétaire général, et pas n'importe quel benga secrétaire général académique, tout discuter bah, point académique, scientifique, et c'est là qui problème des ouvrages en anglais, na Kenda na États-Unis, na université Mokona Chicago. Na sali liaison y a les deux universités na Kenda na université Moko na Canada Saint-Paul na kutana na présidente y a université Saint-Paul na Canada na Ottawa to solo la et to sala coopération y a ba librairie alors parce que ba ouvrage mingi na Corée c'est en coréen. Ba étudiants, on a besoin de bauti bamboka 27 dans le monde. La plupart, Afrique, na Asie. Besoin de moi, na moko étudiant, tazana veste ya pembe noir, azali Burkinabé. Na souka kuna na fond, besoin de moko une Soudanaise, demi balé, na souka oyamunene na na chemise ya pembe ya mwasi azali soudanaise na kati eza na moko asiatique o alandie azali éthiopienne oui alors tozomona o azali boso la chemise ya rouge azali vietnamienne oui na chemise ya rouge ya mobali azali indien. O alandi na sima, voilà, o na sima na ye chemise à pembe, coréen. Et vous remarquez que o ana, azali, mutu ya Singapour, na chemise à pembe. Donc voilà, donc c'est ba étudiants qui sont venus, ba yaka na ba pays nyonso. Alors, liboso na bango, bozomo na ngamo au cuisinier, wana na j'ai expliqué que bosa la tension, pour na kolamba soupe ya milou. Surtout mitu ya milu kolongola minu te parce que président ya Congo alingaka mingi mitu ya milu na minu nango. Voilà, merci beaucoup donc de voir bo pesa yango na photo expliquer ka ba photo news. Ah, pièce contre pièce. Ata bo lobby bo lobby. Ba photo yango na kata cuisine ndenge na zo ba balutu ebimati. Bokeka na Facebook na nga moko bo récupérer photo nga moko na chango na Facebook et j'ai expliqué. Alors, sikoyo, tokoloba ndenge nini? Ah oui, ndenge na telemi wana, arrogant. J'ai eu des questions, ya étudiant moko atuna na question wana. Mais d'abord, nga moko mutu na admeta bango, admission, interview, nga muna sala yango na ligne. Étudiant moko tunanga mais na mboka oyo na zana ndeko moko aza étudiant na mboka oyo. Mboka oyo bandi makaba payate batu mwindu te. Eza oyo ya Soudan mutatunanga. Bandi makaba batu mwindu te mais yo banda to ye. Tozo yo kama solo na yo mingi. Toke na gouvernorat to yo ki kombo na yo. Na université a okot professeur nyo sa holika a holobaka a kombo na yo. Atuninga mais secret na yo ezani. Je lui ai dit secret, Zali, sérieux. Parce que batu oyo, bazali makas na stéréotype. Balobani en français, stéréotype. Ba préjudice, c'est belé. Pour na bango en général, noir, azama yelete. Noir, classe, ezalakate. Afrique, classe, ezalakate. Alors, il faut si ko correspondre, bango na biceps, c'était na makofite. Répondre bango na misala na ke na classe epai na bango moko na tangi na bango ba monike a Afrika epe bongo ezalaka nazo sala na bango a tout moment oyo sala ba intervention na yo ba décision na yo ba proposition na yo bazo mona ke non Afrika epe bongo ezali alors ba respecter yo ba respecter yo mingi mingi ba respecter abiso te ndenge nini. Bovandi na bango na kati ya quartier ndako wana kuna kaka miziki mutebetaka. musique pe robeta na sete baboyi musique te olinko yoka musique cha volume na se si to banda ko eza oyo bande ko na biso bavani na Amerika na ba Canada banda ko moko ya ba carton ba o bazali kolo soki ba bazotambula bozo yoka ata kosoli ozo yoka makele le boko cha musique lokola na bar ndako wana biloko ya bimaka na ba poubelle ba milanga masanga musique milanga masanga ba fête soki ba ye balobaka malembe te soko ba respecter bino ndenge nini ba respecter bino te non na ba congolais sérieux pe bazali mais je vous dis que ngai na mboka Corée ba te belé ba yebisanga phrase oyo na yebi ba congolais belé mais tu es différent monsieur na yebi ba congolais belé mais osa différent. Ah oui. Ok, na diaspora, il y a des gens qui ont fait pour produire, pour foutre, pour coma jaune. On a coma lokola lilala. D'abord, identité na yozo nye yango. O lingi identité na yote, o lingo coma jaune. O mi baby sinzoto. O lo bakali kamusute. Lukuta. Ah, yeah, la kisakanini. Oh, mais comment? Na bamboka to vandi, ngayi ba Afrike nyoso. Se vante de moi. Na mboka kore ba Afrike nyoso, se vante de moi. Ah, yombi, as a friend nangayi, my brother. Aokende sika difficulté. Moka uto kena la police, eloko libosa yose la police. Yombi is my brother. Oh, police atunye me. Et le bonin, lien ni neza entre likambo sa ina yombi. Tout le monde se vante de moi sauf Congolais. Congolais oyo ka ya la kisakanini. Ya, na la kisakanini papa. Na kenda na association congolaise te. Communauté congolaise ezali na kenda une fois par infraction. Une fois. Et ba invitant a pété na yoka. Des histoires, oh, des histoires, non. Ye afunda kabatu na immigration. Ye mbongo na ye, bakamnyo azo somba, mbongo na ye ezali, po ateka kabatu na immigration. Mes frères, soki bino, nana lingi mbongo te, Kongolais lingi mbongo. Alors, soki yombi ateka kabatu na immigration, po azo mbongo. Alors, bino pe boteka kabatu na immigration ti. Bak bateka abangonde na immigration. Mutu avandi aza serye, eloko mabe ezate, ovandi nandaku na yo, mutu akeko teko na immigration bosomba mutu oyo immigration ba yo baye bakangiyo bazongisiyo c'est comme ça se fait ye ateka kabatu na immigration ateka kabatu na immigration bosala kama kambonini yango bateka kabino voilà maintenant na mboka kore batatu oyo basala ka ba réunion po na ngai to sala réunion to luka to sala la ye vidéo ya lokuta entre bango babundi. Mais avant tout ça, la réunion, il y a le kouta, vidéo à l'Okuta pour naïe, il faut quand même l'ikambo, l'Okuta, l'ikambo est zala. Kakabo est dans le vide. Moko na bango, il est réfugié. Baboto li est permis. Ba ebisye so ningani isusu. Ozozonga Congo. Pourquoi? Mais entre bango ba milouvor, Eza yombi. Le monsieur, je ne le connais pas. Physiquement, na yebi yete. Même de nom, na yebi yete. Na tikala komo na yete, ye fa ye bangayi, parce que tout le monde me connaît. Mais na yebi yete, na koutana na yete, na yebi koutu kombo na yete. Son problème, c'est quoi? Il semblerait? Ba tapage, ba pesye mukanda refije, azo mona kia koma koreyen. Lukuta, kwa iskroke batu ba mbongo po a invite bango na Kore, ba oya na aeroport, nani apesyo ba kwense mututel, kome la masanga, azo konduri vwati alangwe, ba kangie, ba botolie permi. Ba ebisye mbalasima, sa se l'immigration ki lui di, Ce qui ont mis sur ta page, qui ont bondi ça, bah coréen. Ce qui a langue, bitumana bah coréen, bah colobar. Ce qui a langue, bitumana bah coréen, bah colobar. Et raso langue, bitumana bah coréen, yombi azate. Plaisir na plaisir. Azo conduire voiture, à langue masanga. Yombi azate. Plaisir na plaisir. Baye ko kangaye, bah botolie permis. Entre bango baluba, eza yombi. Bandeko. En tout cas, vraiment. Oh. Je ne les connais pas. Nayebite Azali, Mukolo, Azali, Mwana, Azali Ndengenini, Azali Pembe, Azali Mwindu, Azali. Je ne les connais pas, même des noms. Et d'ailleurs, à mon niveau, banana bisoué ya mike mike wanana. Nazana tenté. Alors, une fois na kenda na communauté congolaise, ba invitant gaté na yoka. Bazana réunion na kenda na kota kokota na koti na vanda te na senga parole excusez-moi bakamwe kuter ba moninga na ba obalo bakasobo kutani a papa edenga papa yombi mais er bazo sala ba invitation na réunion à communauté congolaise bochayete oh non papa yombi er ba moni papa yombi excusez bon omoni yo zalaka no occupé yango invitation to tinda kate po yo zalaka na yo occupé promesse ate na ye pon invitation te Nayena Senga, si vous voulez me donner la parole même pendant deux minutes, n'allez expliquer l'okomoko. Bon, ça va, joie. N'a expliqué. Nanya tangi langai, moutou oyo na funda na immigration, na teka na immigration. Personne. Mais beaucoup ma Congolais nyon ce soit à Outi Congo, koko ma komi na Corée. Et surtout soit yé okoma na bande konabi soba luba. Ah, ça l'attention. Moutou moko aza awa kombo na ye yombi a teka rabat na immigration. Étudiant. Mais, yombi a go teka étudiant na immigration pour nanini. Étudiant a ye na visa be étudiant. Ba coréen koutou, gouvernement coréen a linga kaba étudiant. Parce que pour na bango ba kansa ba afrike ba tanga rate. Alors, soko moni moutoye na kadre ya kotanga, peut-être ma moutou na ye za mwa malamo. Alors, monsieur yombi a kene ko funda étudiant. Pour étudier à Salini. Bango moko. Ah, papa, oyebi biso, koko maka tokoma, moto oyebi sa biso. C'est le même type, oyo, abenga bandeko na ye na Londres. Ayebi sa bango, a botika, azalaka kuizini. Mais, na senga bandeko na ye na Londres, botu na ndeko na binwa la kisabina ta photo na ye, ata ndako ya pamba, ndako na ye. Ata ndaku ya pamba. Azana ndaku te. Alala gana bayijin. 35 ans na mboka kore. Mwansi akima ye. Il est toujours dans de bar. Masanga. Kongole nyon so ya kore so tuni komba ndekona. Il s'appelle, na bomba kate, il s'appelle Cheche. Kongole nyon so avani na kore. So lobika komba Cheche komona elongina ye. Koseka. So tuni oseka nina. Ah. Tika ka ndeko wana vraiment tu ebite soki baloka ye. Ndeko oyo nakutana na ye deux fois. Biso mibale te na ba occasion. Na ba occasion. Manifestation pour na ko défendre Etienne Tshisekedi. Il était là. Ba étudiant ba benganga ye pour na ya ko expliquer bango orientation comment faut-il vivre na mboka oyo kotanga na mboka oyo. Ye pa yaka. Aye na caméra il prend des images. Ba kolo manifestation ba étudiant ba sengie ba image aboyi na kopesa ba image wana te po yombi za na kati na ko fula yete ah me yombi na mboka Korea fula maka ah tuka yombi na mboka Korea me c'est pas un petit garçon comme toi ko fula yombi yombi a fula ma deuxième rencontre na kutana na ye pour na ko défendre l'élection Etienne Tshisekedi na 2011, excusez-moi. Ko défendre l'élection Etienne Tshisekedi na 2011, il est venu. Azo filmé na caméra na téléphone na ye. Batterie est silie. Il m'approche, il me dit papa yombi batterie est silie, téléphone batterie est silie, pesanga téléphone na yo na filmé. Bon ça va. Na pesete parce que moi j'étais occupé ngamuna bandeko diriger ngamuna bandeko loba na pesie téléphone nanga filmé. A filmé na zui téléphone, na zui bon, pesanga adresse na yo courriel, na kotinde la yo ba image. Na ye nanda ku na zui photo moko, non, na zui une partie a vidéo na, na poste yango na Facebook nangai. Mais le monsieur m'a appelé pour me dire, mais vous avez droit, y a reposté vidéo à nate. Et ça, y a un gars, il y a un film qui. Monsieur, vous êtes sérieux? Téléphone, nanga, il y a pas, y a moisi nanga, qui filmait. Yo, yé, au lobby, non, papa, batterie, na téléphone, nanga, si l'y pèse, nanga, téléphone, na yo, na filmé. Image, na yo. Voilà le problème entre moi et ces garçons. Alors, Congolais, nous sommes à Kanambo Kakore, soit à Koutainaye. Moi, je suis à Kibo, Congolais, wana. Kebana Moutoumoko Babengi Yombi, à Tekarabat na immigration. Bakanga Congolais, moko, ngai en Australie, 3 mois en Australie. Le même monsieur. Ah non, Moutouna Bakangi. Eza yombi, ba mona ke na immigration lobby. Ba mona ke na immigration lobby, e garçon na pe akene na immigration pour a renouveler mukanda na ye, kobi makaka yombi abimi, ba kangiye. Mais ngayi na Australie, 3 mois, na zan Australie. Ah non, yombi aza soulad. Nga mera masangate. Congolais moko abimi sa photo na ngayi. Congolais moko, ezala oba vany na Corée, ezala oba vany na Congo, oba yebinga. Abimisa photo na ngai, yombi azo mela masanga. Soit na bar, soit na ndako, abimisa. Nga mela masanga te. Il appelle ses frères, soki maître Dona, soki maître Dona azana Londres. Oh non, aza cuisinier, non, aza koutou soulard. Et pourtant na mela masanga. Voilà mes chers amis. C'était ça pour aujourd'hui. Il faut au Katawana, tout ça, ma camusoire ça là. Ernest, tu y as une anecdote hein, pour que tu, c'est entre nous, c'est dans la famille. Ma camusoire sur beaucoup comme mon acquis est importante, mais c'est très important parce que communauté n'a bisou les a bienté. Communauté n'a bisou les a bienté. Alors, koloba chaque fois. Ça peut nous aider er moko, peut-être ndeko moko azana kati ya makambu ya boye atika. Voilà, pour aujourd'hui, tosilisi wana, merci beaucoup. Et bon week-end, na bino nyoso. Bonne nuit, na bandeko baza na bamboka obo komi na butu. Et bonjour, bonne soirée, et puis bonne journée, donc, je voulais dire. Au revoir.